chapitre 8, rechercher la bénédiction des arbres, des pierres et autres. Allah le Très-Haut dit, avez-vous vu les divinités Lat et Uzza? Verset 19 de la sourate l'Étoile. Abu Aqid al-Layfi a dit, alors que nous venions récemment de nous convertir à l'islam, nous sortîmes en expédition avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour la bataille de Hunayn. Les polythéistes avaient l'habitude de se recueillir au pied d'un arbre de lotus, aux branches duquel ils suspendaient, yanutuna, leurs armes. Ils surnommaient cet arbre Vatnuat. Apercevant un jujubier, nous dîmes au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ô prophète d'Allah, désigne-nous un arbre Vatnuat semblable au leur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'exclama, Allah est le plus grand. L'histoire se répète. Par celui qui détient mon âme entre ses mains, vous venez de tenir les mêmes propos que ceux qu'ont tenus les enfants d'Israël à Moussa. Désigne-nous une divinité semblable à leur Dieu. Il dit, vous êtes certes des gens ignorants. Sourate al-Ahraf, verset 138. Vous suivrez certes les voies de ceux qui vous ont précédés. Rapporté par Al-Tirmidhi qui l'a authentifié. Les points à retenir. Premièrement, l'explication du verset de la sourate l'Étoile, Al-Najm. Deuxièmement, connaître le type de demande qu'ils ont émis. Troisièmement, les compagnons ne sont pas passés à l'acte. Quatrièmement, par leur demande, les compagnons cherchaient à se rapprocher d'Allah en pensant qu'il s'agissait d'une chose qu'il aimait. Cinquièmement, si les compagnons n'étaient pas au courant de la gravité de cet acte, alors d'autres qu'eux sont plus à même de l'ignorer à leur tour. Sixièmement, les compagnons ont des bonnes actions et une promesse de pardon que d'autres n'ont pas. Septièmement, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'a pas trouvé de circonstances atténuantes pour les compagnons. Bien au contraire, il leur a répondu, Allah est le plus grand, l'histoire se répète. Vous suivrez certes les voies de ceux qui vous ont précédés. Soulignant la gravité de l'acte par ces trois expressions. Huitièmement, le point le plus important qui est visé, à savoir que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a informé les compagnons de la similarité de leur demande à celle des enfants d'Israël lorsqu'ils dirent à Moussa, « Désigne-nous une divinité semblable à leur Dieu. » Neuvièmement, la négation de cet acte, bien qu'elle ne leur soit pas apparue clairement et précisément, fait partie intégrante du sens de la parole « La ilaha illallah ». Dixièmement, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a juré avant de donner son jugement. Or, il ne jure que pour une sage raison. Onzièmement, le polythéisme se décompose en polythéisme majeur et mineur. En effet, les compagnons ne sont pas sortis de l'islam à cause de leur acte. Le douzième point, l'expression suivante, alors que nous venions récemment de nous convertir à l'islam, indique que les autres compagnons étaient au courant de la gravité de l'acte. Le treizième point, il est recommandé de dire « Allah est le plus grand » lorsque l'on s'exclame, contrairement à l'avis de ceux qui considèrent cela détestable. Le point numéro 14, barrer les voies menant au polythéisme. Le point numéro 15, l'interdiction d'imiter les gens de la période anté-islamique. Le point numéro 16. La colère lors de l'enseignement. Le point numéro 17. La règle générale, issue de sa parole, l'histoire se répète. Le point numéro 18. Cette dernière phrase est un des signes de la prophétie, car cela est arrivé comme le prophète l'avait prédit. Le point numéro 19. Tout ce pourquoi Allah a blâmé les juifs et les chrétiens nous concerne aussi. Le point numéro 20. Il est convenu pour les compagnons que les actes d'adoration ne sont légitimes qu'après ordre d'Allah ou de son prophète. On trouve donc dans ce hadith le rappel des trois questions posées dans la tombe. Ainsi, la question « Qui est ton Seigneur ?» est aisément déductible du texte. Quant à la question « Qui est ton prophète ?» On l'a déduit du fait que dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam informe au sujet de choses invisibles. Enfin, pour ce qui est de la question « Quelle est ta religion ?», on l'a déduit de la demande des enfants d'Israël « Désigne-nous une divinité ». Le point numéro 21, la voix des gens du livre est blâmée comme la voix des polythéistes. Le dernier point, le numéro 22, celui qui délaisse le faux auquel son cœur s'est habitué n'est pas à l'abri de ce qui peut rester de cette habitude. C'est ce que l'on déduit des propos des compagnons alors que nous venions récemment de nous convertir à l'islam. Commentaire. Sur le titre, rechercher la bénédiction des arbres, des pierres et autres. C'est-à-dire, quel est le jugement à ce propos? La réponse est, la personne s'en rendant coupable est polythéiste. Un tabarok est le fait de rechercher la bénédiction, c'est-à-dire rechercher le bien en quantité, rechercher sa constance et sa persistance. Les textes dans le Coran et la Sunna indique que c'est Allah, Jalla wa Ala, qui bénit et qu'aucune créature ne peut en bénir une autre. Allah le Très-Haut a dit « Qu'on exalte la bénédiction de celui qui a fait descendre le livre de discernement sur son serviteur. » Verset 1 de la sourate Le Discernement. C'est-à-dire que le bien de celui qui a fait descendre le livre de discernement sur son serviteur soit accru, augmenté, constant et persistant. Allah Jalla wa Ala a aussi dit « Et nous le bénîmes ainsi que Ishaq. » Sourate les rangées, verset 113. Mais aussi « Il m'a rendu béni. » Sourate Maryam, verset 31. C'est donc Allah qui bénit, et partant de là, il n'est pas permis à la créature de dire « Je bénis telle chose » ou « Je bénis votre acte » ou encore « Que ta venue soit bénie ». Car le mot baraka et le sens qu'il implique viennent d'Allah. En effet, le bien en quantité, sa persistance et sa constance proviennent de celui qui détient le commandement. En outre, les textes dans le Coran et la Sunna indiquent que les éléments bénis par Allah Jalla wa Ala sont tantôt des lieux ou des moments et tantôt des créatures humaines. Premièrement, les lieux et les moments. En effet, Allah Jalla wa Ala a béni certains lieux comme la maison sacrée d'Allah ou comme les environs de la mosquée sainte en Palestine et d'autres lieux. Cela signifie qu'Allah y a déposé du bien en quantité, de manière persistante et perpétuelle, de façon à encourager et à stimuler ceux qui y sont conviés à y rester. Mais cela ne veut pas dire qu'il faille se frotter avec la terre ou au mur de ce lieu. En effet, il s'agit d'une bénédiction liée au lieu qui ne se transmet pas. Cela signifie que si l'on en touche le sol, ou que l'on y est enterré, ou que l'on en recherche la bénédiction, cette dernière ne se transmet pas, car le sol est béni d'un point de vue spirituel, du point de vue de l'attachement du cœur à ce lieu, tel que la maison sacrée d'Allah, du point de vue de la quantité de biens dont hérite la personne qui souhaite y aller, celle qui s'y rend, effectue le tawaf autour d'elle et y adore Allah. La pierre noire aussi est bénie. Cette bénédiction est issue de l'adoration. Car celui qui la touche et l'embrasse par adoration envers Allah et par obéissance au prophète sallallahu alayhi wa sallam sera touché par la bénédiction découlant de la conformité de ses actes à ceux du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, lorsqu'il embrassa la pierre noire, Omar, qu'Allah l'agrée, dit « Je sais parfaitement que tu n'es qu'une pierre qui ne peut être ni bénéfique ni même néfaste. » C'est-à-dire que cette pierre ne transmet aucun bienfait et ne repousse aucun mal. Pour ce qui est des moments, le fait que certains d'entre eux soient bénis, comme le mois de Ramadan, ou certains jours d'Allah qui comportent des mérites, signifie que quiconque adore Allah pendant ces jours et y recherche le bien, aura une récompense supérieure à celle des autres jours. Deuxièmement, la bénédiction relative aux êtres humains. En effet, Allah a accordé une bénédiction intrinsèque aux prophètes et aux messagers. C'est-à-dire que leurs corps sont bénis. Ainsi, si une personne appartenant au peuple d'un prophète recherche la bénédiction au travers du corps de ce dernier, que ce soit en passant les mains sur lui, en récupérant sa sueur, ou en recherchant la bénédiction de ses cheveux, cela est permis, car Allah a rendu béni le corps des prophètes. En outre, le meilleur d'entre eux est le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dont le corps aussi est béni. C'est pourquoi on trouve mentionné dans la sunna que les compagnons recherchaient la bénédiction par sa sueur, ses cheveux et beaucoup d'autres choses. Bref, la bénédiction liée au prophète est intrinsèque à leurs êtres, et il est possible que l'effet de cette bénédiction, de ce mérite et de ce bien se transmettent depuis leur corps vers autrui. Mais ceci est spécifique aux prophètes et messagers. En effet, aucune preuve affirmant qu'Allah aurait accordé aux compagnons des prophètes une bénédiction intrinsèque ne nous est parvenue. Ceci concerne même les meilleurs membres de cette communauté, à savoir Abu Bakr et Omar. Et il nous est parvenu, par un nombre de rapporteurs dissipant tout doute, que les compagnons, leurs successeurs et les Mourdanamin ne recherchaient pas la bénédiction au travers d'Abu Bakr, de Omar, de Uthman et de Ali, comme ils la recherchaient du prophète sallallahu alayhi wa sallam par ses cheveux et l'eau de ses ablutions. Ainsi, la bénédiction de ses compagnons est une bénédiction d'acte et non une bénédiction intrinsèque qui se transmet, à l'instar de celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Note du traducteur, les Mourdanamin s'agissent des personnes qui étaient mécréants du vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis qui ont embrassé l'islam après sa mort. Nous disons donc, chaque musulman possède une part de bénédiction qui n'est pas une bénédiction intrinsèque. C'est plutôt une bénédiction d'acte liée à la part de soumission, de foi, de crainte, de vénération, de respect d'Allah, de conformité de leurs actes à ceux du prophète sallallahu alayhi wa sallam que possède ce musulman. Ce type de bénédiction, bénédiction de science, d'acte ou de piété, ne se transmet pas. Et rechercher la bénédiction des gens pieux se fait donc en les prenant comme modèle de piété, de même que rechercher la bénédiction des gens de science se fait en s'imprégnant de leur science et en tirant bénéfice de leurs connaissances et ainsi de suite. Il n'est donc pas permis de rechercher leur bénédiction en passant les mains sur leur corps ou par leur salive, car les meilleures créatures de cette communauté, à savoir les compagnons, ne se sont jamais comportées de la sorte avec les meilleurs hommes de cette communauté, après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il s'agisse d'Abu Bakr, de Omar, de Uthman ou de Ali. Ceci est reconnu de façon incontestable. En outre, la recherche de bénédiction, tabarok, des polythéistes, consistait à espérer la réalisation du bien en quantité, de façon perpétuelle, constante et persistante, en se dirigeant vers leurs idoles par différentes formes de tabarok qui sont toutes polythéistes. Sur la fin du titre, et autres, c'est-à-dire et autre chose similaire aux arbres et aux pierres, comme les différents lieux, ou une grotte en particulier, une tombe, une source d'eau, ou d'autres éléments auxquels les ignorants vouent une certaine croyance. Rechercher la bénédiction d'un arbre, d'une pierre, d'une tombe ou de certains lieux peut être une forme de polythéisme majeur si la personne recherchant cette bénédiction croit que cet arbre, cette pierre, cette tombe contre laquelle il se frotte, sur laquelle il se vautre ou à laquelle il se colle est un intermédiaire pour lui auprès d'Allah ou un moyen lui permettant de l'atteindre. En effet, c'est prendre une divinité en dehors d'Allah que d'agir de la sorte, et c'est une forme de polythéisme majeur. C'est d'ailleurs ce que croyaient les gens de la période anté-islamique au sujet des arbres et des pierres qu'ils adoraient, des tombes dont ils recherchaient la bénédiction. Ils croyaient que s'ils se recueillaient auprès d'elles, se frottaient contre elles, versaient du sable dessus, alors ce lieu, ou l'occupant de ce lieu, ou l'être spirituel, rohaniya, c'est-à-dire l'esprit au service de ce lieu, intercédait en leur faveur auprès d'Allah Jalla wa'ala. Or Allah Jalla wa'ala a dit: tandis que ceux qui prennent des protecteurs en dehors de lui disent: nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent davantage d'Allah. Verset 3 de la sourate Les Groupes. Enfin, le tabarruk est une forme de polythéisme mineur lorsque par exemple une personne prend un peu de sable d'une tombe puis le verse sur son corps en croyant que ce sable est béni et que si ce dernier touche son corps, alors celui-ci sera béni d'un point de vue causal. Ceci est donc une forme de polythéisme mineur, car la personne n'a pas dirigé son adoration à autre qu'Allah Jalla wa'ala, mais il a considéré une chose comme une cause, alors que religieusement, ce n'en est pas une. Sur le verset, avez-vous vu les divinités Lat et Uzza? El-Lat était un rocher de couleur blanche, se trouvant chez les gens de Taïf, qui n'a été détruit qu'après la conversion de la tribu de Thaqif. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, envoya Al-Mughira ibn Sha'ba pour détruire ce rocher et le casser. Un édifice avait été construit pour ce rocher qui avait des gardiens et des serviteurs. Al-Uzza était un arbre qui se trouvait entre la Mecque et Taïf. En fait, il s'agissait à l'origine d'un arbre, mais un édifice a été construit autour de trois gommiers. Cet édifice avait des gardiens, mais aussi une femme devint au service de ce polythéisme. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam conquit la Mecque, il y envoya Khalid ibn Walid qui coupa les trois gommiers et tua la femme devin qui faisait appel aux djinns pour égarer les gens. Ceux-ci étaient en fait attachés à l'arbre, mais aussi à cette femme au service de ce polythéisme. Sur le verset suivant, ainsi que Manat, cette troisième autre, implique le sens de vil et méprisable divinité. Manat était aussi un rocher qu'on appelait ainsi en raison de la grande quantité de sang d'animal sacrifié versé par vénération pour et sur ce rocher. Ce verset a été cité dans ce chapitre car Al-Lat et Manat étaient deux rochers et Al-Uzza un arbre. Or, les actes commis par les polythéistes auprès de ces trois choses sont exactement ce que font les polythéistes à notre époque auprès des rochers, des arbres et des grottes. Et plus grave encore, est le fait de prendre les tombes comme divinités vers lesquelles ils s'orientent et auprès desquelles ils accomplissent des actes d'adoration. Abu Wafid al-Layfi a dit, « Alors que nous venions récemment de nous convertir à l'islam, nous sortîmes en expédition avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour la bataille de Hunayn. » Ceci est un hadith authentique et d'une grande importance. En effet, les polythéistes avaient un jujubier au sujet duquel ils avaient une certaine croyance. Cette croyance englobait trois choses. Premièrement, ils vénéraient cet arbre. Deuxièmement, ils se recueillaient, yakufun, auprès de lui. Le terme ohkuf désigne le fait de rester à un endroit dans un but de vénération et de dévouement. Troisièmement, ils y suspendaient, yanutun, leurs armes, en espérant que la bénédiction se transmettrait de l'arbre vers leurs armes, afin qu'elles soient plus tranchantes et que le bien soit plus conséquent pour leurs propriétaires. Or, cet acte est une forme de polythéisme majeur pour les trois raisons précitées. Les nouveaux convertis parmi les compagnons, qu'Allah les agrée, dirent « Ô prophète d'Allah, désigne-nous un arbre d'Atanouat semblable au leur. » Pensant que cela ne faisait pas partie du polythéisme, et croyant que l'adhésion à la formule du Tawhid, l'attestation de foi, ne serait pas rendue caduque par cet acte. C'est pourquoi les savants ont dit que certains détails du polythéisme peuvent échapper même à des personnalités respectables, car certaines catégories du Tawhid d'adoration ont échappé aux compagnons convertis après la conquête de la Mecque, bien qu'ils soient les plus versés dans la langue des Arabes. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, s'exclama « Allah est le plus grand. L'histoire se répète. Par celui qui détient mon âme entre ses mains, vous venez de tenir les mêmes propos que ceux qu'ont tenus les enfants d'Israël à Moussa. Désigne-nous une divinité semblable à leur Dieu. » Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a comparé de façon judicieuse la demande des compagnons « Désigne-nous un arbre d'Antenouat » à celle du peuple de Moussa « Désigne-nous une divinité semblable à leur Dieu » bien que les compagnons n'ont pas accompli l'acte qu'ils avaient demandé. Après que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le leur eut interdit, ils le délaissèrent. Or, s'ils avaient accompli leur demande, cela aurait été une forme de polythéisme majeur. Mais comme ils se sont contentés de parler et de demander sans accomplir d'acte, leurs propos furent considérés comme une forme de polythéisme mineur, en raison de ce que cela comporte comme attachement à autre qu'Allah, jalla wa ala. C'est la raison pour laquelle le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne leur a pas ordonné de renouveler leur islam. On peut donc déduire de manière explicite que le polythéisme majeur commis par les polythéistes n'était pas uniquement lié à leur recherche de bénédiction auprès de Tatenouat, mais aussi à la vénération qu'ils lui vouaient, au recueillement au pied de cet arbre et à la recherche de bénédiction en les suspendant leurs armes. Nous avons déjà discuté précédemment du fait que rechercher la bénédiction par les arbres, les rochers et autres s'il est accompagné de la croyance au fait que cet objet rapproche d'Allah et permet à la demande de l'atteindre ou d'avoir plus de chances d'être accepté, ou de faire en sorte que le bien s'accroisse pour la personne qui recherche la bénédiction en cet endroit, alors c'est une forme de polythéisme majeur qui était pratiquée par les gens de la période anté-islamique. Et si l'on médite sur les agissements des adorateurs de tombes et des fabulateurs, Qura'afiyoun, de nos jours, on se rendra compte que leurs actes sont identiques à ceux commis par les premiers polythéistes auprès de Lat, de l'Uzza et de Tatenwat. En effet, ces adorateurs de tombes éprouvent une croyance envers la tombe, voire même envers la grille métallique qui l'entoure. C'est ainsi que dans les pays où le polythéisme est répandu ou manifeste, dans les différents lieux où l'on visite les tombes, on voit des gens qui éprouvent une croyance envers le mur ou la grille métallique entourant la tombe. Lorsqu'ils frottent leur corps contre ces constructions, ils considèrent cette frottée contre l'occupant de la tombe dont l'âme communique avec eux. Ils croient alors que celle-ci intercédera en leur faveur en raison de la vénération qu'ils lui ont vouée. Ceci est une forme de polythéisme majeur, car correspondant à l'attachement du cœur à un autre qu'Allah pour susciter un bienfait ou repousser un mal, tout en considérant cet autre comme un intermédiaire entre soi et Allah Jalla wa'ala. Et ceci est similaire aux actes des premiers polythéistes, au sujet desquels Allah a dit « Nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent davantage d'Allah ». Verset 3 de la sourate Les Groupes. Quant au second type de tabarruk que nous avons cité précédemment, il consiste à croire que se frotter contre quelque chose de particulier peut être une cause de bienfait, comme le font certaines personnes ignorantes dans la mosquée sacrée qui se frottent aux portes extérieures de la mosquée, à certains murs ou piliers. Mais si ces personnes croient qu'il y a une âme dans ce pilier, ou qu'une personne est enterrée non loin de ce lieu, ou que, comme ils le disent, certains bons esprits sont au service de ce pilier, et que ces personnes s'y frottent afin d'atteindre Allah Jalla wa'ala, alors c'est une forme de polythéisme majeur. En revanche, si elles se frottent en croyant que ce lieu est béni et qu'il peut être la cause de guérison, alors c'est une forme de polythéisme mineur. En conclusion, se frotter à une chose en particulier, en la considérant comme une cause, est une forme de polythéisme mineur. Par contre, si le cœur s'attache à l'objet contre lequel on se frotte, ou dont on recherche la bénédiction en le vénérant, en se recueillant auprès de lui, en croyant à la présence d'une âme à cet endroit, ou que celle-ci pourra intercéder en sa faveur auprès d'Allah, alors c'est une forme de polythéisme majeur.